Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer. Si je peux appeler ça le procès de Paul, qui est commencé depuis quelques chapitres, et qui va continuer encore quelques chapitres. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse retenir à travers tous ces chapitres, c'est que Dieu a un plan. Dieu a dit à Paul, depuis quelques chapitres déjà, qu'il allait aller à Rome, afin de rendre témoignage à Rome. Et nous allons voir, quand le Dieu a un plan, peu importe ce que les hommes font, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, le plan de Dieu s'accomplit toujours. C'est ce qui est merveilleux, et c'est pour ça qu'on peut se fier à ses promesses et à ses prophéties. Commençons par la prière. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu es au-dessus de toutes choses, au-dessus de la méchanceté des hommes, tu es au-dessus de la faiblesse de tes enfants. Et tu es un Dieu qui, à cause de tes attributs, tu peux contrecarrer, si je peux dire ainsi, la folie de l'être humain. Mais tu es tellement puissant que tu peux même utiliser la folie de l'être humain pour accomplir ton plan parfait. Convainc-nous encore ce matin. Conduis-nous dans cette lecture, et qu'on puisse voir notre Dieu à l'œuvre, et qu'on puisse te glorifier et te louer. Amen. Donc, Paul a été arrêté à Jérusalem par les Juifs, premièrement, et on a voulu le tuer. Dieu a permis que le tribun intervienne, et les empêche de le faire. Les Juifs ont voulu, encore une fois, prendre Paul dans un guet-apens. Dieu avertit Paul et le tribun par le fils de la sœur de Paul, et le tribun intervient encore une fois et sauve Paul en l'envoyant chez Félix avec une grande escorte, afin qu'il arrive à Césarée chez Félix, sain et sauf. Et quand il arrive à Césarée, Félix lui demande « De quelle province es-tu? » Paul dit « Je suis de Cilicie. » Il dit « Je t'entendrai là-dessus lorsque tes accusateurs arriveront. » C'est ce que nous allons voir ce matin, les accusateurs de Paul qui arrivent. Chapitre 24, verset 1. Cinq jours après, arriva le souverain sacrificateur, Ananias, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé, et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent, Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins, prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter, dans ta bonté, ce que nous avons à te dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste et qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté et nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun, Lysias, étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire, soutenant que les choses étaient ainsi. Donc, premièrement, ce que nous voyons, c'est les accusateurs de Paul. Ils arrivent en grande pompe. Tous les leaders d'Israël, en tout cas des leaders, le souverain sacrificateur, des anciens, apparemment, qui faisaient partie du Sanhédrin, et ils se sont engagés un orateur, ce qui veut dire un avocat, et ils vont porter plainte devant Paul. Théophile a eu la version de Luc dans les chapitres qui ont précédé. Mais Luc a-t-il dit la vérité? Théophile n'était pas là. Maintenant, il y a l'autre partie adverse qui vient et qui va décrire, lui, sa façon de voir les choses. Il l'accuse, Paul, d'avoir fait des troubles partout, parmi les Juifs, dans le monde entier. On l'accuse d'avoir profané le temple, qui a essayé, ils disent qu'il a essayé de profaner le temple. Et ils disent qu'ils l'ont arrêté, qu'ils ont voulu le juger selon leur loi. Selon Luc, c'est pas vrai. Ils l'ont pris puis qu'ils ont commencé à le battre quasiment à mort. Si le tribun ne serait pas intervenu, il aurait probablement été tué par la foule. Ils disent que le tribun, au verset 7, l'arrête avec une grande violence. Selon Luc, c'est pas vrai. Mais Théophile n'est pas là. Donc, Théophile, comment peux-tu savoir si c'est vrai? Donc, lui qui est un excellent Théophile, qui est une autorité romaine, il va s'arrêter et voir qu'est-ce que ses confrères, comme le excellent Félix, ou d'autres autorités, autant juives que romaines, vont dire. Ça, c'est l'accusation. Une accusation, selon ce que nous, on croit, c'est nous croyons que Luc dit la vérité. Donc, c'est un tissu de mensonges pour tromper Félix. Maintenant, nous allons voir ce que Paul va dire à cela. Voyons voir à partir du verset 10. Après que le gouverneur lui fut signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Oh, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temps, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de me paraître en ta présence et de se porter accusateur s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Donc, Paul ici va tout simplement donner des faits. Et ça fait juste 12 jours que c'est arrivé à Jérusalem. Ils ne peuvent pas prouver que j'ai soulevé des foules à Jérusalem. J'étais venu pour adorer mon Dieu. Ils m'ont trouvé dans le temple, purifié, donc en train de faire des sacrifices à Dieu. On se souvient qu'il avait été avec 4 Juifs qui avaient fait un vœu, et ils avaient fait raser leur tête et ils avaient offert des sacrifices à Dieu en remerciement, en louange. Mais l'argument le plus important, c'est que il dit, ceux qui m'ont arrêté dans le temple, c'est pas eux, c'est pas le souverain sacrificateur, c'est pas les anciens qui m'ont arrêté. Pourquoi est-ce que mes accusateurs, pourquoi est-ce que les témoins oculaires ne sont-ils pas là? C'est à eux qu'aurait dû venir m'accuser, les témoins oculaires, pas le souverain sacrificateur, pas les anciens, ils n'étaient pas là. Paul ne cache pas sa foi. Oui, je sers Dieu. Oui, je suis un chrétien. Oui, je crois à la résurrection des morts. Et même, j'ai comparu devant le Sanhédrin. Et ils n'ont pas pu m'accuser de rien. Sans ça, le tribun m'aurait fait arrêter. Il m'aurait mis en prison. Ils ont rien pu démontrer, ni devant le Sanhédrin, ni devant le tribun. Ils n'ont pas pu trouver à m'accuser là-bas. C'est pour ça que le tribun m'a envoyé jusqu'à toi. Simple, clair, honnête, vérité, simplement. Regardons maintenant la réaction du juge. Verset 22. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, la résurrection, les ajourna en disant, « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais Paul discourait sur la justice, la tempérance, le jugement à venir. Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Donc, Félix, pendant qu'ils ont écouté le côté des accusateurs et la défense de Paul, il s'aperçoit très bien au verset 22 qu'on parle de doctrine, on parle de croyance. Il n'y a rien de légal là-dedans. Il voit très bien qu'il n'y a aucun argument qui peut condamner Paul. Donc, il dit, le seul point que je peux faire, je vais attendre que le tribun qui me l'a envoyé, mais qui vienne, on regardera. Qu'est-ce que lui va dire de cela? Il ne se fie pas aux Juifs, il ne se fie pas à Paul. Mais on voit qu'il respecte Paul, au verset 23, en tant que citoyen romain, parce qu'il l'avait fait garder dans le prétoire d'Hérode. Et là, ici, on lui dit qu'on le garde et qu'on le laisse une certaine liberté, qu'on n'empêche pas les siens d'aller le voir, pour lui emmener tout ce qu'il a besoin, linge, nourriture, etc. Donc, il ne le condamne pas. Il n'est même pas en prison. Il le garde dans le prétoire d'Hérode. Donc, c'était dans le palais royal. On lui donne une espèce d'appartement là, sur surveillance des soldats. Et par la suite, on voit qu'il relâche pas Paul pendant 2 ans. Son but, c'est que peut-être qu'un Paul va lui donner de l'argent pour sa libération. Et aussi, il veut plaire aux Juifs. Il ne veut pas avoir de problème avec les Juifs. Donc, il laisse en prison pendant 2 ans. C'est très injuste. Je crois que le tribun aurait pu venir bien avant ça et trancher, mais il n'est pas venu. On ne sait pas pour quelle raison. Donc, Théophile voit très bien, en lisant ces rapports-là, lui, en tant qu'autorité, je crois qu'il peut vérifier ces dires-là, et il peut voir si c'est vrai ou pas. Et comparer avec ce que Luc a dit, et voir que Paul est accusé faussement par les Juifs, et est retenu en captivité malhonnêtement par le tribun et par Félix, qui le garde par convoitise financière et par désir de plaire aux Juifs. Malgré toutes ces choses mauvaises alentour, le plan de Dieu va s'accomplir quand même. Nous allons voir dans le prochain chapitre, Paul va en appeler à César et on va l'envoyer à Rome. Donc le plan de Dieu se déroule. Pendant qu'il s'en va vers Rome, Paul va rendre témoignage devant les grands, devant les gouverneurs, devant les tribuns, devant les rois, devant les reines, on va voir plus tard, et il va rendre témoignage de Dieu. On voit ici qu'il rend témoignage à Jésus-Christ. Il enseigne par rapport à Jésus-Christ. Il enseigne sur la tempérance, il enseigne sur la justice, il enseigne sur le jugement à venir. Donc, quand Dieu permet des moments difficiles dans nos vies, continuons à faire ce que nous devons faire, annoncer ou donner des raisons, comme Pierre dit, avec douceur, avec amour, de notre foi en Jésus-Christ. Et laissons Dieu accomplir son plan ainsi. Notre Père du ciel, merci que tu nous montres encore une fois que même dans leur méchanceté, les hommes ne peuvent pas empêcher ton plan de s'accomplir. Donne-nous d'avoir foi en toi, que malgré tout ce qui se passe autour de nous, et malgré toutes les attaques contre l'Église, dans le monde entier, ton plan va tout de même s'accomplir. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.